avec son brille, je suis né dans le péché. Père Brigand, vous faites respirer l'affreux parfum de la luxure. Voilà la mer voluptueuse où j'écoutais chanter la sirène aux yeux d'or. Pour ta science qui t'a pourri, je te fais, je te fais. Et maintenant, je te maudis, comme un temple hanté par les esprits saints. Venez, ange du ciel. L'air corrompu qui va m'environner.